La préparation de l'action était longue et intensive. En premier lieu, Maria et moi voulions qu'elle soit réalisée par un collectif et pas uniquement par nous deux, individuellement. Il fallait que ce soit un geste collectif. Il fallait donc commencer par la constitution d'un collectif. Nous avons parlé de notre projet à quelques amis, étudiants en art plastique à Saint-Charles, qui nous ont rejoints, et c'est ainsi que le collectif 010 s'est constitué en début 1976. Nous étions 10. La préparation de l'action a duré plusieurs mois et a conduit à beaucoup de recherches et de contacts avec des associations militantes. Nos recherches ne se sont pas limitées à la torture pratiquée contre les détenus politiques, mais se sont étendues aux détenus de droit commun en France, ainsi qu'aux patients en milieu psychiatrique victimes de traitements extrêmes. C'était aussi l'époque, il faut dire, des mouvements antipsychiatriques que nous avions découvert à Paris et qui nous avait dès le départ passionnés. Le collectif 010 est donc entré en contact avec plusieurs associations, dont Amnesty International, le Comité d'action des prisonniers, le CAP, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme et d'autres associations, donc, qui nous ont fourni un nombre considérable de documents. J'ai quelques exemples ici. Je vais également les faire circuler. Nous partagions nos recherches et nos réflexions lors des réunions régulières du collectif. À partir des documents et des témoignages réunis, nous avons rédigé un questionnaire, interrogation sur la torture, distribué partout où nous pouvions, universités, usines, écoles, lieux d'art, bars, etc. Nous avons réuni environ 200 réponses exposées sur les murs du hangar où l'action a eu lieu. La majeure partie de ces réponses se trouve ici, dans ce dossier que je vais remettre à Alain en fin de séance. Vous pouvez, si vous voulez, les feuilleter. Simplement, le papier, qui était un papier de récupération, est très très fragile. Je les ai mis aussi comme ça contre pour le volume. Mais faites attention, s'il vous plaît, à la manipulation, si vous voulez les manipuler. Cette enquête constituait donc la partie sociologique de notre action. D'autre part, nous avons fabriqué des panneaux d'environ 1 mètre par 70 qui seraient suspendus dans l'espace de l'action. Il figurait des textes autour de la torture, par exemple notre définition de la torture en complément de celle du dictionnaire, une révision donc de la définition du dictionnaire. Il y avait aussi des collages et des dessins faits par des membres du collectif. Parallèlement, nous étions en train d'élaborer les actions individuelles des participants proposées par chaque participant, mais soumises et discutées par le collectif. Soumises au collectif et discutées. Une série de données de base était fixée pour les actions corporelles individuelles, les suivantes. L'isolement, le silence, les contraintes et les privations, l'immobilité ou le mouvement mécanique, la durée, l'absence d'agression sur le corps de l'autre, l'absence d'agression violente sur son propre corps, l'absence de tout facteur nous empêchant à interrompre à volonté nos actions. C'est à partir de là que 8 projets d'action ont été arrêtés, 2 des membres du collectif ne souhaitant pas réaliser une action. Les actions individuelles auraient lieu le premier jour de l'événement, ça serait un événement de 48 heures, et c'est à ce premier jour que se réfère la vidéo que nous verrons tout à l'heure. Un exemple d'action, l'action de Maria. Il y a eu aussi l'élaboration de l'action commune du deuxième jour. Pour le deuxième jour, nous avons préparé une bande-son avec des dépositions de torturés politiques provenant de divers pays. Brésil, Espagne, Ghana, Iran, Irlande, République fédérale allemande, Turquie, URSS, Uruguay. Ces témoignages étaient lus et enregistrés, lus par des membres du collectif et enregistrés. En fait, c'était une bande-son qui laissait à peu près 10 minutes de silence entre chaque témoignage. Et pendant ce temps, nous étions dans l'espace de l'action, dans des positions disciplinaires, immobiles. C'est tout. Enfin, il y a eu l'installation, donc la réalisation de l'action dans le vaste espace du théâtre de l'Épée de Bois à la cartoucherie de Vincennes. Nous sommes restés sur place pendant 3 jours. Nous dormions dans des sacs de couchage, dans un espace annexe du hangar de l'Épée de Bois et déjeunions à l'extérieur sur une grande table en bois. La documentation de la préparation de l'action et de l'action elle-même était une partie importante de notre projet. Nous avons enregistré sur cassette audio toutes les réunions et discussions du collectif. L'action et notre vie à la cartoucherie ont été abondamment photographiées et il y a eu l'enregistrement vidéo. Je vais aussi dire 2 mots sur le principe économique de l'action qui était important. Une décision radicale concernait l'argent. Il n'y aurait pas d'argent impliqué dans cette action réalisée en dehors du circuit marchand de l'art. Nous ne devions rien acheter et rien vendre. Tous les matériaux utilisés étaient de récupération. Pas de billets vendus, entrée libre. Le théâtre de l'Épée de Bois nous a été gracieusement prêté. À la cartoucherie, on nous a ouvert les entrepôts du théâtre Renaud Barreau, où nous avons pu emprunter tous nos accessoires. L'électricien du théâtre de l'Aquarium a fait les éclairages pour nous bénévolement, ainsi de suite. Les imprimés nécessaires, tracts et questionnaires, étaient réalisés sur du papier de récupération dans l'atelier de gravure du département des arts plastiques de Paris 1, Saint-Charles, avec la complicité de l'enseignant Gérard Boisard. Ce que vous verrez, la vidéo, concerne la première journée de l'action, lorsque donc 8 membres du collectif 010 ont réalisé des actions individuelles réunies dans le même espace. Ces actions étaient autant de choix personnels, de mise à l'épreuve du corps, et s'étalaient sur des durées qui allaient de 4 à 6 heures. Elles étaient une protestation par le corps même, puisque c'est le corps qui subit la douleur et la destruction par la torture. Les actions étaient silencieuses, comme double labyrinthe d'ailleurs. Le lendemain de l'action, je vais dire comme ça très rapidement entre parenthèses que moi j'avais parlé de cette action, de ce projet à mon professeur Bernard Dort, qui était quelqu'un que j'aimais énormément et qui m'aimait aussi beaucoup. Quand je lui avais parlé du projet, Bernard Dort était complètement furieux. Il a trouvé que c'était inacceptable. Il n'a absolument pas compris ce qu'on essayait de faire. Et il croyait qu'on allait faire une sorte d'expérience. Je n'ai pas compris, mais il était violent. Et il m'a dit que si j'insistais à réaliser cette action, il abandonnait la direction de ma thèse. Et moi, je lui ai dit, écoutez, et il m'a dit, j'espère que vous ne considérez pas que ça comme de la censure. Je lui ai dit, écoutez, je vais vous répondre par écrit, parce que là, j'étais prise comme ça. Je suis confuse, mais je vais vous écrire. Et donc, je lui ai fait une lettre de, je pense, 16 pages en réponse. Donc, parce que jusque-là, nos relations étaient excellentes, même que, et c'est quelque chose que j'aimais énormément en lui, on défendait vraiment 2 genres de théâtre complètement opposés. Et Bernard Dort était absolument d'accord pour entendre les arguments. Et ça, c'était formidable. L'opposition, c'était formidable. Mais là, c'est devenu quand même difficile. Et Bernard Dort est venu. C'était d'ailleurs la première personne qui s'est pointée à la cartoucherie. Le premier jour, il était là. Il est resté et puis il est reparti parce que évidemment les gens ne restaient pas toute la durée. Et puis le lendemain, je suis réveillée tôt le matin par un appel. C'est qui au téléphone? C'est Bernard Dort. Et il me dit, avez-vous vu Libération? Je dis non. Mais descendez tout de suite, cherchez Libération. vous avez une page. Je dis, ah bon. Et donc, et à partir de là, bon, peu à peu, les relations se sont normalisées avec Bernard Dorte. Donc, dans Libération, il y a eu un article sur nous, avec des photos. Le journaliste s'appelait Julien Brun. Et nous, on n'a pas beaucoup apprécié l'article. Parce que Julien Brun était frustré de ne pas avoir vu des couples de tortionnaires et de torturés battre, vu de la violence, entendre des cris. Il disait, mais on arrivait à la cartoucherie, il n'y avait rien, on n'entendait rien, c'était un silence complet. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire de montrer ça sans mettre en action le couple torturé, tortionnaire, qui en fait, c'est là que ça se passe, que c'est intéressant, etc. Et nous, on a considéré son attitude comme une attitude de voyeur frustré. Et donc, on lui a fait une réponse qu'on a envoyée à Libération et qui a été intégralement publiée. Voilà la réponse à un voyeur. Alors, avant de regarder le document sur l'action, dire encore que c'est Jean Waldès que nous avions invité à enregistrer l'action en vidéo. Il enseignait alors la vidéo à Saint-Charles. Vous voyez, Saint-Charles était vraiment complètement accueilli cette. C'était intéressant d'ailleurs, parce qu'à Saint-Charles, cette action était absolument compréhensible. À Sancier, c'était totalement incompréhensible, au même moment. Alors, évidemment, parce que Saint-Charles connaissait déjà l'art corporel. Alors, donc, à Jean Waldès, nous avions donné quelques consignes précises. Filmer individuellement chaque action, faire des plans d'ensemble statiques ou par des panoramiques, mais limiter absolument les zooms. On avait toujours des zooms. Évidemment, c'était lui qui choisissait les angles de vue, la durée des plans, etc. Le document demi-pouce qu'il a donc, l'enregistrement qu'il a fait en demi-pouce est longtemps resté dans nos archives, signalisé, mais sans qu'on sache ce qu'il contenait au juste. Et il a été numérisé par la BNF. D'ailleurs, Alain, quand on lui a parlé la première fois du fond, on lui a mentionné ce document, il a dit « Ah, ça m'intéresse beaucoup, c'est quoi ?» Alors, on lui a donné, on a dit « Écoute, on te le confie, s'il y a rien, il y a rien, ça ne rentre pas dans notre fond, s'il y a quelque chose, on voit ce qu'on va faire. » Et donc, il a été numérisé, et là, nous avons découvert qu'il y avait quand même des images qui avaient survécu au temps. En 1912, et en vue de la présentation à la BNF, Maria et moi l'avons donc monté en ajoutant des photographies de l'espace. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire avant qu'on regarde la vidéo.